Selon le journal sud-coréen Le Travail et le Monde, plus de 2500 ouvriers venus de partout de la Corée du Sud ont tenu le deux courants devant la mairie de Jeju, un meeting consacré aux 69 ans du soulèvement populaire 3 avril. Les orateurs ont fait remarquer que la lutte pour la paix et la réunification menée au prix de la vie par les habitants de l'île de Jeju 69 ans auparavant a été réprimée par l'administration militaire américaine. Et ils ont déclaré se trouver à la tête de la lutte contre la disparition du SAD et pour la réhabilitation des victimes du soulèvement 3 avril et l'éclaircissement des dessous de la répression du soulèvement. Après le meeting, les participants sont descendus dans la rue.